Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire qui toute la semaine s'intéresse aux élites. Oui, aux élites face à la crise. C'est d'actualité, ces élites face à la crise. Et aujourd'hui, nous allons faire un long panorama depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Existe-t-il des élites dans le monde animal ? Pour chaque genre de bestiole, y a-t-il certaines qui dominent et d'autres qui sont dominées ? Celles qui dominent toute son espèce ? C'est ce que s'est demandé Saint-Simon, mais non pas le Saint-Simon de Louis XIV, celui du XIXe siècle, philosophe, celui qui est à la source du socialisme. Et en 1819, ce n'est pas tellement à la zoologie qu'il s'intéresse. Non, il propose une parabole avec des frelons et des abeilles. Il écrit que l'art de gouverner est devenu, entre les mains du gouvernement, la chose du monde la plus simple et la plus facile. Il se réduit à donner la plus forte portion du miel prélevé sur les abeilles à celle des deux grandes classes de frelons qui sert les vues du gouvernement avec le plus de zèle et de dévouement. Le peuple et ses élites, les frelons et les abeilles, et c'est la question qui nous pique aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, les élites en temps de crise, des intellectuels face à la guerre, à l'empire de Charlemagne qui se délite, où il y a du sang dans l'encrier, des contestations dans la cité, des émissions à écouter, à podcaster pour la baladodiffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, les élites françaises des Lumières au grand confinement, c'est le titre de votre ouvrage, Éric Anceau, bonjour. Oui, bonjour Xavier Mauduit, tout à fait. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne, la Sorbonne Université, ancienne Paris 4. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et sociale de la France au XIXe siècle, biographe de Napoléon aussi, puis vous avez fait paraître récemment, ils ont fait et défait le Second Empire aux éditions Talendier, et vous arrivez avec les élites françaises, des Lumières au grand confinement, aux éditions Passé Composé. C'est un long panorama sur les élites, Éric Anceau, que vous nous proposez. Des Lumières, 18e siècle, au grand confinement, c'est aujourd'hui. Avec, parce que nous sommes de bons élèves, la nécessité de définir les mots du sujet. Doit-on parler d'une élite ou des élites ? Vous allez me répondre des élites parce que c'est le titre de votre ouvrage. Exactement. Alors, en fait, si vous voulez, le terme est utilisé dans l'acception qu'on lui connaît aujourd'hui à partir du XIVe siècle. Qu'est-ce qu'une élite, on s'en sert à la fois pour désigner à la fois la fine fleur de la société qui détiendrait le pouvoir ou conseillerait les puissants, ceux qui l'exercent, mais aussi les personnes les meilleures dans les différentes catégories professionnelles. Et ces deux acceptions vont aller jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs élites, mais parfois, et on va peut-être le dire, il peut arriver dans l'histoire que ces élites n'en fassent qu'une. Et c'est là où il y a un véritable problème. Voilà, c'est ce que l'on peut lire régulièrement dans la presse hein, sur cette fusion des élites, sur ces élites déconnectées d'une forme de réalité. Et la vision de l'historien est essentielle. D'ailleurs, la couverture de votre ouvrage, Éric Anceau, représente une scène de la Révolution française. Elle est intéressante, cette scène. Hein. C'est un tableau de Joseph Désiré Court, donc un tardif, un tableau de 1830, mais qui représente le moment où la tête du député Féraud, tête décapitée au bout d'une pique, est présentée à Boissy-d'Anglas, qui préside hein, l'Assemblée à ce moment-là, et Boissy-d'Anglas salue cette tête décapitée. Vous avez fait le choix de mettre en couverture de votre ouvrage une scène de la Révolution. Le moment est essentiel dans le rapport que nous entretenons avec l'élite, ce moment Révolution. Exactement. Alors cette scène me semblait très symbolique, ainsi qu'elle le semblait à l'éditeur, parce que en fait, c'est le peuple qui a aidé la bourgeoisie à arriver au pouvoir en 1789. Il y a une alliance qui s'opère ensuite entre les sans-culottes et les révolutionnaires, mais les sans-culottes souffrent énormément. Nous sommes en l'an 3, 1795, ils souffrent de la famine et ils estiment que les députés ne les défendent pas, donc ils vont envahir l'Assemblée. Et à ce moment-là, effectivement, l'un des députés qu'ils incriminent le plus, qui s'appelle Féraud, va être décapité et le président Boissy d'Anglas contraint de le saluer pour garder lui-même la vie. Mais immédiatement après, on fera donner l'armée et les sans-culottes seront désarmés. Ils seront désarmés entre 1795, imaginez, et 1830. Et d'ailleurs, c'est la question qui est au cœur en fait de cette réflexion, Éric Anceau, c'est nous sentons-nous représentés par les élites, avec peut-être un préalable à mettre en place sur la nécessité même d'avoir une élite. Ce n'est pas tellement la question, c'est une question qui a traversé les écrits des politiques, des penseurs. La question de l'élite, de l'existence d'une élite, n'est pas tellement vraiment le sujet, c'est plutôt comment s'organise, comment se construit cette relation avec l'élite. Exactement. Alors, en fait, il paraît logique que dans des régimes aristocratiques, il y ait des élites. Mais dans les démocraties aussi. Aucune démocratie dans l'histoire n'a pu se passer d'élite. Et même les démocraties dites populaires, du temps du bloc de l'Est, eh bien, avaient une forme d'élite qui était la nomenclatura. C'est Thucydide, me semble-t-il, qui a le mieux dans l'Antiquité exprimé le besoin qu'avait une démocratie d'une élite. Parce que, disait-il, là, c'est la démocratie athénienne dont il parlait, bien évidemment, celle qu'il connaissait le mieux. Eh bien, la démocratie sombre dans l'anarchie. Il faut donc une élite, des élites, y compris en démocratie, surtout en démocratie. Eh bien, écoutez, Éric Anceau, je vous propose que pendant cette heure d'émission du cours de l'histoire, nous fassions une traversée depuis la Révolution française et sans doute jusqu'à nos jours pour essayer de comprendre ces moments forts, ces moments où palpite alors le cœur du peuple, celui de l'élite. Certains ont peur et puis d'autres essayent de se manifester et de contester le pouvoir élitaire. Et je vous propose de commencer avec la Révolution française, un extrait du film La Révolution française de Robert Enrico. Et donc, dans ce film de 1989, nous avons ce moment où se pose la question des privilèges. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue Breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Un extrait du film de Robert Enrico, La Révolution française, avec ce moment où le vicomte de Noailles, lors de la nuit du 4 août 1789, abolit les privilèges. Il est de ceux qui décident d'abolir les privilèges. Éric Anceau, nous avons là, sur cette nuit du 4 août, l'exemple type de la division des élites. En soi, il n'y a pas une élite face à un peuple, ce qui serait une lecture erronée de la Révolution française. Il y a plusieurs élites. La Révolution française pourrait-elle être lue uniquement à travers ces élites et que le peuple, essentiel, évidemment, est un acteur, entre autres, un de ceux qui jouent ce grand jeu de la Révolution. Exactement, 1789, c'est le moment tournant. Alors, je commence aux Lumières, mais pour bien comprendre en fait l'événement 1789, c'est cette grande révolution qui marque le basculement, je dirais, sociologique au sein des élites. Et comme vous le disiez, en fait, eh bien, les élites sont très divisées à l'époque. Vous avez toute une partie de la noblesse libérale qui a participé en fait au mouvement des Lumières et qui veut réformer la monarchie, qui à l'époque est une monarchie absolue. Vous avez les parlementaires qui réclament, les parlementaires qui sont eux-mêmes des nobles, hein, qui réclament en fait une association au pouvoir, et le roi qui refuse, le roi qui s'appuie pourtant sur ses privilégiés. Et en fait, ces privilégiés, une grande partie de ces privilégiés vont en quelque sorte savonner la planche de la monarchie, mais savonner leur propre planche. C'est-à-dire que bien évidemment, ils vont s'allier au peuple. On pense à la journée des Tuiles du 7 juin 1919. 1788, où le peuple va venir en aide aux parlementaires à Grenoble qui viennent d'être fermés, interdits de se réunir par le roi Louis XVI. Et dans un premier temps, bien, il y a cette alliance qui va faire la révolution avant que le peuple ne chasse les nobles libéraux et que ceux qui profitent de cette affaire-là, eh bien, ce soient les bourgeois qu'on va retrouver après dominant, je dirais, la société française et les différents régimes pendant deux siècles. Oui, sur ce moment révolutionnaire, les éléments marquants sont l'irruption du peuple, en fait, dans ce monde où jusqu'alors seules les élites étaient entre elles et pouvaient organiser la société. L'irruption du peuple est essentielle. Et la bourgeoisie qui arrive au pouvoir, évidemment, ce n'est pas uniquement lié au moment révolutionnaire. Et c'est pour ça que c'est bien, Eric Anciaux, que vous rappeliez le XVIIIe siècle. C'est un long processus, en fait, avec cet à-coup majeur de la Révolution française. Est-ce que l'on peut dire que la Révolution française est simplement une contestation de l'élite? En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, ça l'est d'autant plus qu'on peut pas dire que la bourgeoisie ne soit pas totalement associée au pouvoir. Si on remonte le fil du temps, on se rend compte qu'au tournant des XIIIe et XIVe siècles, le roi Philippe le Bel, pour contester le pouvoir des clercs, va s'appuyer sur les légistes. On va retrouver après les grands commis de l'État, en particulier sous Louis XIV. Simplement, vous avez toute une bourgeoisie moyenne, celle des gens de robe, des avocats, qui n'est pas associé au pouvoir et qui est même, je dirais, humilié par le pouvoir et par les privilégiés. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter à mes étudiants et que j'ai reprise d'ailleurs dans le livre. C'est en 1769, le fils d'un avocat qui va jouer un grand rôle après sous la Révolution, qui s'appelle Antoine Barnave, qui va avec sa maman au théâtre. Il vit à Grenoble et il n'y a qu'une loge de libre. Il s'installe dans cette loge et à ce moment-là, il y a le gouverneur qui les fait chasser par la troupe parce que c'est une loge réservée à l'aristocratie, à la noblesse. Et à ce moment-là, on voit toute la bourgeoisie qui est dans le théâtre de Grenoble sortir par solidarité avec Madame Barnave et son fils. Et le jeune Antoine Barnave en est profondément marqué. Il sera l'un des grands révolutionnaires. Donc, vous voyez, il y a un climat d'incompréhension, je dirais, au sein même des élites. Et c'est de cette incompréhension, de cette haine entre les uns et les autres, dont sortira la Révolution. Et le peuple, je dirais, appuie la petite et la moyenne bourgeoisie, mais d'une certaine façon, va se faire instrumentaliser par elle. Mais ce peuple également accède à la conscience politique avec la Révolution. Donc, à partir de 1789, il ne s'en laissera plus non plus compter. Et c'est ça, c'est ce poids politique du peuple est soutenu par une réflexion. Cette réflexion est intéressante de savoir comment s'imagine, se construit mentalement l'univers social. Et dans cet univers social, il y a des élites. Comment sont-elles perçues? Vous avez évoqué, Eric Anciaux, ce mot de haine. On pourrait parler de défiance entre, pour simplifier, le peuple et les élites, mais entre les élites entre elles. Il y a sans cesse, en fait, un regard comme un jeu d'équilibre, et dès que l'équilibre est rompu, c'est là qu'il y a la fissure qui peut se traduire par un mouvement insurrectionnel. Exactement. Alors, il y a un paramètre qu'on n'a pas encore introduit, c'est le pouvoir exécutif qui peut être le roi, qui sera ensuite eh bien le premier consul, puis l'empereur Napoléon Bonaparte, et puis de nouveau, à partir de 1814-1815, la monarchie restaurée. Et je dirais, si vous voulez, c'est un jeu à trois, voire à plus qu'à trois, entre d'une part la tête de l'exécutif, les élites elles-mêmes, nous l'avons dit, extrêmement divisées, et puis le peuple. Et à partir de 1789, bien évidemment, ce sont les bourgeois qui vont dominer, mais non sans partage. Hein, en 1814-1815, c'est un retour de l'aristocratie traditionnelle, si j'ose dire, dans les fourgons de l'étranger, avec le roi Louis XVIII. Donc, vous voyez, c'est un jeu très complexe que j'ai cherché, en fait, à décrypter. La tendance lourde, c'est une domination de la bourgeoisie, mais en fait, il y a des gens jeux de pouvoir qui font qu'à chaque changement de régime, on en a beaucoup, hein, entre 1789 et aujourd'hui, il y a eu 17 régimes différents. Et ceci explique peut-être cela d'ailleurs. Et ceci explique cela dans les élites françaises des Lumières au grand confinement. Effectivement, nous traversons ce monde qui est intéressant parce que nous connaissons l'événement historique, nous suivons la Révolution française, l'épisode napoléonien, mais vu avec cet angle de lecture qui est celui des élites, nous parlons de bourgeoisie. Il y a un mot qu'il faut évoquer, c'est celui de notable. Et c'est vrai que le mot notable est essentiel pour comprendre ce monde des élites au XIXe siècle. Oui, tout à fait. Alors, les notables, on les voit apparaître. Alors, le terme est très ancien. Vous avez les assemblées de notables du XVIIIe siècle qui provoqueront d'ailleurs la révolution et la convocation des états généraux. Mais le terme, je dirais, va apparaître dans nos constitutions à partir de la constitution de l'an 3, 1795, la constitution du directoire, et plus encore la constitution de Napoléon Bonaparte, celle de l'an 8, 1799. Alors, qui sont ces notables? Eh bien, ce sont tous les propriétaires, principalement à l'époque les propriétaires fonciers, ce peut être des nobles ralliés à la Révolution, mais ce sont surtout, bien évidemment, des bourgeois, des possédants, et ils vont dominer la société du premier 19e siècle. On parlera de France des notables, dont l'apogée se situe véritablement sous les monarchies censitaires, c'est-à-dire la Restauration de 1814-1815 jusqu'en 1830, et puis après la monarchie de Juillet de Louis-Philippe entre 1830 et 1848. Avec, c'est très intéressant, au sein de cette société des grands notables, un basculement qui va s'opérer justement en 1830 entre une catégorie et une autre qui vont dominer la société. Alors quel est ce basculement, oui, en 1830, Éric Anceau, parce que vous avez évoqué cette monarchie censitaire. Il faut rappeler que l'institution définit même une partie des notables. Seuls ceux qui payent un certain impôt, le cens, peuvent voter. Donc déjà, tout le monde ne prend pas parti à la vie politique. Alors, ils prennent parti à la vie politique, mais s'ils veulent, c'est dans la rue ou par des écrits. Mais seule une petite partie de la population vote. Oh bah oui, imaginez, donc effectivement, il y a un écart monumental entre le pays légal, c'est-à-dire celui qui paie, vous l'avez rappelé, une certaine quotité d'impôts, et le pays réel, c'est-à-dire la totalité des Français, hein. De mémoire, là je vous cite un chiffre là qui est très parlant, imaginez qu'au moment de la monarchie restaurée, au moment des premières grandes élections législatives, en 1816, il y a 29 millions de Français, et bien 90 000 Français seulement sont électeurs et un peu plus de 15 000 sont éligibles. Hein, vous voyez cet écart. Et puis, sous la monarchie de Juillet, en 1846, alors là, la population française s'est accrue. On est à peu près 35-36 millions d'habitants et on doit avoir à peu près 250 000 électeurs seulement encore, hein, et 56 000 éligibles. Alors, quel est le basculement très intéressant, vraiment très intéressant, qui s'opère en 1830? On rejoue d'une certaine façon, je dirais, 1789, dans la mesure où, avec Louis XVIII et avec Charles X, eh bien, les nobles sont revenus. Alors, les nobles partagent le pouvoir. Vous avez, sous la Restauration, une charte qui garantit les libertés fondamentales, qui autorise également les protestants. Donc, il y a plus de libertés qu'il y en avait avant 1789. Mais ceux qui dominent véritablement, on le voit par exemple avec Villèle, hein, eh bien, ce sont les petits aristocrates crottés, comme on les appelait, et pleins de rancœur à l'égard de la Révolution. Il y aura même un tour de vis sous Charles X qui provoquera justement la Révolution des Trois Glorieuses, la Révolution de 1830. Et sont bridés, en particulier, ces grands notables évoqués par Saint-Simon dans la magnifique parabole que vous évoquiez en introduction, c'est-à-dire les banquiers, les négociants, eux les industriels. Et ce sont eux qui, d'une certaine façon, vont instrumentaliser le peuple en juillet 1830 pour prendre le pouvoir. Je rappellerai à nos auditeurs que les deux présidents du conseil successifs, les deux premiers de Louis-Philippe, c'est un banquier Jacques Lafitte, homme du mouvement, et c'est un homme plus conservateur, mais banquier lui aussi, qui s'appelle Casimir Perrier. Le fait me semble extrêmement significatif. C'est important de le souligner, effectivement, parce que ce moment 1830 nous parle, hein, cette révolution de 1830, les 27, 28, 29 juillet, les Trois Glorieuses, qui mettent fin à la restauration dehors Charles X, et qui mettent en place ce qu'on appelait la monarchie de juillet. Bonjour Louis-Philippe, je vous propose d'écouter un discours essentiel, celui d'Alphonse de Lamartine, son discours de réception à l'Académie française, c'est le 1er avril 1830, nous sommes donc juste avant la Révolution, c'est une lecture par Élodie Hubert. Messieurs, appelés par votre indulgence, bien plus que par mes faibles titres, à l'honneur dont je viens jouir aujourd'hui, à voir un nom qui vous emprunte tout et qui vous rend si peu, inscrit parmi les noms du siècle dont vous êtes l'ornement et l'élite. J'ai tardé longtemps à venir prendre acte de cette part d'illustration que vous m'avez décernée, à vous apporter le tribut de ma reconnaissance et de mon bonheur. Mon bonheur, j'en avais alors. La distinction dont vos suffrages m'honoraient, cette gloire des lettres dont votre choix est la récompense ou le présage, cet éclat d'estime et de bienveillance que répand sur une famille, sur une patrie tout entière, l'élection d'un de ses enfants, toutes ces joies de l'esprit, de la famille, de la patrie étaient doublées pour moi. Discours d'une sensibilité inattendue de Lamartine lors de sa réception à l'Académie française le 1er avril 1830, une lecture par Élodie Hubert dans le cours de l'histoire. Nous l'entendons dans ce discours, Lamartine évoque l'élection d'un de ses enfants de la patrie. Il y a cette conscience qui s'instaure, alors fruit de la Révolution française qui a eu lieu quand même bien plus tôt, 50 ans plus tôt, c'est cette idée que voilà, maintenant il y a des élites, mais ces élites sont plus ouverte, vous l'avez évoqué, Eric Anceau, les élites de la finance, les élites de l'industrie, tout doucement, s'approchent du pouvoir. Il y a, dans ce milieu, premier tiers du 19e siècle, une évolution du rapport à l'élite. Tout à fait. Alors, bravo pour cette pastille que je découvre là. Je ne savais pas que vous la maîtriez dans l'émission. Ce discours de Lamartine de réception à l'Académie française, elle est très intéressante. Alors, avec cette petite ambiguïté, n'est-ce pas, qu'Alphonse de Lamartine lui-même est noble, mais ce n'est pas un grand noble, hein, ce n'est pas un grand aristocrate. Il utilise dans l'extrait que vous avez retenu un mot très intéressant qui est celui de l'illustration. Qu'appelle-t-on l'illustration dans ce premier 19e siècle ? Ce sont des gens qui brillent par leurs talents intellectuels. Et depuis le XVIIIe siècle, et le rôle joué par Voltaire, alors le mot intellectuel n'est pas utilisé, il faudra attendre l'affaire Dreyfus, mais l'idée est bien là, il y a un autre pouvoir qui est en train d'émerger, c'est celui des hommes de plume, c'est celui des philosophes, des gens qui font profession de réfléchir et qui viennent aiguillonner le pouvoir et qui viennent, au besoin, donner une voie à suivre au peuple. Alphonse de Lamartine incarne remarquablement cela. Il faut savoir que Lamartine pouvait, lui, être député parce que, bien qu'étant un peu désargenté, eh bien, le peuple s'était cotisé pour lui permettre d'obtenir le sens nécessaire. Il y a un autre cas très intéressant qui est un contemporain de Lamartine, c'est le philosophe de la Sorbonne, Victor Cousin, peut-être le plus grand philosophe français du 19e siècle, imaginez, lui n'est pas censitaire. Il deviendra bien évidemment ministre par la grâce du roi Louis-Philippe, mais il n'est pas censitaire. Donc il y a ce fameux écart que j'évoquais tout à l'heure. Et puis l'irruption du peuple, on la retrouve avec ses intellectuels derrière en 1848, et Lamartine là occupe le premier rôle. Il deviendra l'un des révolutionnaires de 48 et le ministre des Affaires étrangères de la jeune Deuxième République. Oui, lors de la révolution de 1848, effectivement, Lamartine est présent sur le perron de l'Hôtel de Ville à Paris. Et il y a ce mouvement qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur ce rapport complexe à l'élite. Éric Anceau, les élites françaises des Lumières au grand confinement, il y a plusieurs manières en tant qu'historien d'aborder l'élite. Il y a le texte, bien sûr, de critique, et trouver ce biais qui va vous permettre d'identifier comment sont perçues les élites. Et parfois, de manière étonnante, hein, il y a aussi le fait divers. Alors, on va écouter un extrait de la sublime émission La caméra explore le temps, une diffusion en 1962, à propos d'un crime. C'est alors un crime, un meurtre, un suicide, beaucoup de mystères. C'est le duc de Pralin, donc... difficile de faire plus beau, belle aristocrate en France, qui a poignardé sa femme, et le scandale est là, couve jusqu'au suicide du duc de Pralin, enfin suicide, pas suicide. Écoutons ce crime sous Louis-Philippe dans La caméra explore le temps. Le duc a été victime d'un empoisonnement. Qu'est-ce que vous dites ? Que vous avez très bien entendu, mon cher collègue. Un empoisonnement ? Monsieur, si le duc s'est suicidé, nous n'y sommes pour rien. Eh bien, je parie que ce ne sera pas l'avis général. Comment ? Il y aura toujours de mauvais esprits pour dire que ce suicide est survenu bien à propos, pour couper court au scandale et éviter ainsi un procès public. Vous vous égarez, Decazes. Il serait ridicule de soutenir que le gouvernement a poussé le duc à s'empoisonner. Je ne dis pas qu'il l'a fait. Alors ? Je dis qu'on dira qu'il l'a fait. De sorte que le duc risque de mourir sans avoir été arrêté. Le poison aura empêché l'arrestation d'un pair de France, ami du roi. Un si grand nom, une si noble famille. Je croyais que ces choses-là n'arrivaient que chez les ouvriers. Eh bien non, ça n'arrive pas que chez les ouvriers. C'est un extrait de La caméra explore le temps 1962 à propos d'un fait divers en fait. Hein. La mort du duc de Pralin, nous sommes en 1847 sur ce moment-là. 1847, sous la monarchie de Juillet. Personne n'imagine encore, parce que les gens ne connaissent pas le futur en 1847, mais que la monarchie de Juillet s'effondre l'année suivante. Éric Anceau, en quoi ce type d'affaire montre combien l'historien peut utiliser le fait divers pour essayer d'identifier la défiance qui s'installe envers les élites? Oui, alors dans les années 1840, vous avez une grande défiance vis-à-vis du régime, la monarchie de Juillet, qui est devenue très très impopulaire. Le fils du roi, malheureusement, une conjonction de planètes très mauvaise pour Louis-Philippe, meurt. Lui était populaire, le duc d'Orléans, d'une chute de cheval en 1840. Mais vous avez un fond de crise économique et sociale très très important. La politique étrangère et intérieure du roi qui ne va pas. Et puis ces fameux scandales. Et là, avec cette pastille, on illustre effectivement l'un des plus grands scandales de l'époque. Il n'est pas le seul. Hein. Vous avez des scandales également de conflits d'intérêts, de prévarication. Le ministre des Travaux Publics teste avec un ancien ministre de la Guerre qui s'appelle Cubière. C'est en 1842-1843 qui trempe dans une affaire de pot de vin. Et des affaires comme ça, vous en avez des dizaines. Mais alors, celle-là, celle que vous avez retenue, est particulièrement intéressante hein, parce que ça va être le plus grand scandale en 1847. Un pair de France, imaginez, hein, le duc de Choiseul Pralin, qui avait fait plus de, je crois, 8 ou 9 enfants, en fait, à la fille du maréchal Sébastiani, qui était ministre de la guerre. Donc là, on est dans les plus hautes sphères de l'État, et qui la poignarde. C'est assez mystérieux, mais on l'emprisonne, et figurez-vous qu'il est retrouvé, comme on le voyait dans la pastille, mort dans sa cellule. Il s'est, en fait, très probablement suicidé. Pour éviter le scandale qui le frappe et qui affecte sa famille, mais le peuple s'empare de l'affaire. Non, il ne s'est pas suicidé. Vous savez, les rumeurs, le complotisme est de tout temps. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les fake news, mais il y avait tout ça déjà au 19e siècle et même avant. Et on va s'imaginer qu'il a été assassiné par le pouvoir parce qu'il portait de très très lourds secrets et donc il ne fallait pas qu'il les divulgue au moment de son procès. Je suis ravi que nous nous arrêtions sur ce fait divers de 1847, la mort du duc de Choiseul-Pralin, parce qu'Éric Anceau, vous avez dressé le panorama du moment, le contexte, une crise économique et sociale, aussi à l'international, c'est compliqué. La presse, il faut le souligner, le développement de la presse. Et puis, ce sentiment de complot. Et évidemment, ça fait écho à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous sentons que la crise est ici. Alors, il n'y avait pas la pandémie à ce moment-là, mais quoique, le choléra n'était jamais bien loin. Éric Anceau, dans justement, c'est ce regard que vous portez sur les élites françaises, sur le temps long, des Lumières au grand confinement, il y a sans cesse, en fait, des relations que vous faites entre les moments où les élites sont très contestées. Et vous retrouvez des traits similaires entre, bah, par exemple, sous la monarchie de Juillet et puis à d'autres moments. Crise économique, perte de confiance dans ces élites, c'est le cocktail détonnant. C'est l'un des cocktails détonnants. Alors, il y en a un autre qui est celui de la guerre. La guerre perdue. Alors, on a 1870. On évoquera peut-être en détail tout à l'heure l'épisode 1870. Un régime qui, lui, est populaire, en dépit de ce qu'a pu écrire la Troisième République ensuite, qui est le Second Empire, puisqu'il vient de se ressourcer dans les urnes. Vous avez eu un plébiscite libre, hein, avec des réunions contradictoires le 8 mai 1870. Pour le passage à l'Empire libéral, qui a donné un score très favorable à l'empereur Napoléon III. Et pourtant, patatras, son régime s'écroule le 4 septembre 1870, tout simplement parce que l'empereur est défait sur le champ de bataille, Sedan, bien évidemment, par les Allemands. Et ça, les Français ne le pardonnent pas à leur chef de l'État. Et puis, alors là, c'est une faillite de l'élite politique, de l'empereur et des élites militaires. Mais cela se reproduira à 70 ans de distance, à l'autre bout de la Troisième République. Elle, d'ailleurs, chutera à cause de ça. En 1940, Marc Bloch nous a laissé. Et d'ailleurs, je fais une petite incise, c'est la lecture, il y a une vingtaine d'années, du livre de Marc Bloch, « L'étrange défaite », qui m'a donné l'idée de ce livre, puisque Marc Bloch disait dans ce livre, qu'il a écrit à chaud, hein, et qui sera publié de façon posthume, après qu'il ait été fusillé par les Allemands, il disait que toutes nos élites, pas seulement les élites politiques, mais également les élites intellectuelles et les élites militaires, avaient failli en 1940, c'est ce qui s'est produit en 1870 aussi. Oui, cette faillite des élites est quelque chose qui vient de manière récurrente dans le débat. Alors, 1940, évidemment, 1870, il faut le rappeler. 1870, où la République proclamée le 4 septembre, explique le désastre militaire lors de la guerre face à la Prusse par l'impréparation de l'Empire qui vient de chuter. Mais en fait, très vite, la République elle-même est contestée. Je vous propose un extrait du téléfilm La Commune de 1871, un téléfilm de Céline Clerval-Miot qui évoque, hein, quelques semaines après, quelques mois après le 4 septembre 1870, quand la Troisième République est proclamée, combien ceux qui vont devenir les communards, contestent cette jeune République. Le gouvernement qui, le 4 septembre, s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission ? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité ? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison les républicains. Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. Ils n'ont su ni administrer ni combattre. Place au peuple, place à la commune. Tous les auditeurs, les auditrices de France Culture fredonnent le temps des cerises. Éric Anceau, nous l'entendons dans cet extrait du téléfilm La Commune de 1871. Il y a ce vocabulaire qui nous interpelle aujourd'hui. La guerre continue après la chute de Napoléon III. C'est la République qui mène maintenant le combat contre la Prusse qui devient l'Allemagne. Et nous avons ce vocabulaire impréparation, indécision, inertie. Alors là, il est question de canons et d'armes et non pas de masques et de lits de réanimation. Mais c'est un discours constant, toujours, et c'est ce que l'on cherche aujourd'hui à comprendre avec vous, Éric Anceau, dans le cours de l'histoire, c'est comment se construit cette défiance face aux élites. Il y a cette idée que l'élite doit être préparée, l'élite est au pouvoir pour organiser la vie de la société. Et donc, l'impréparation est immédiatement critiquée. Exactement, à une impréparation, un manque de, je dirais, de vision à moyen et à long terme de l'élite. 1870, c'est quand même une impréparation à la fois diplomatique et militaire. Je rappelle en deux mots les choses. Nous pensions pouvoir compter dans une lutte qui s'annonçait depuis la bataille de Sadova en juillet 1866, lutte contre Bismarck, contre la Prusse et éventuellement contre une grande partie de l'Allemagne, ce qui va être le cas, tous les Allemands vont se retrouver contre nous. Nous pensions pouvoir compter sur l'Autriche d'une part, l'Autriche-Hongrie et sur l'Italie. Et en fait, aucun accord n'avait été signé et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères et Napoléon III vont en quelque sorte endormir la population et les députés en disant « mais nous avons ces alliances » et en fait d'alliance il n'y aura point, ni les Italiens ni les Autrichiens n'entreront en guerre et resteront prudemment en retrait au moment de la guerre de 70 et impréparation militaire. Alors bien évidemment, la phrase qu'on prête au maréchal Leboeuf, le ministre de la guerre, devant le Conseil des ministres et puis ensuite devant la commission parlementaire chargée d'examiner si oui ou non il faut entrer en guerre, cette phrase qui est « notre armée est prête jusqu'au dernier bouton de guêtre » est apocryphe, mais l'idée est là. C'est-à-dire que le maréchal Leboeuf disait que nous pourrions mobiliser, réunir nos troupes très rapidement, que nous avions le matériel nécessaire et qu'il ne fallait pas tarder à entrer en guerre. Eh bien, très rapidement, dès le mois d'août 1870, dès les premiers combats, on se rendra compte que tel n'est pas le cas. Succession de défaites absolument incroyables dans cette guerre de 70. Oui, et là, nous sommes sur un moment où les élites sont contestées parce qu'elles ont failli, de manière factuelle. Il y a une défaite, donc il y a une contestation. Mais cette construction du rapport à l'élite se fait sur un temps assez long, toujours, parce que, encore en 1870, il y a cet héritage de la Révolution de 1789 qui est présent, et d'ailleurs, la Commune de Paris, 1871, se revendique de ces révolutionnaires du temps passé. Il y a en fait ce jeu constant, mais on trouve toujours cette source révolutionnaire, ce désir d'égalité, et si une élite est acceptée, c'est qu'elle doit être exemplaire. Exactement. Alors là, ça nous renvoie à une forme de schizophrénie française qu'ont très bien décrit nos camarades étrangers, parce que nous avons peut-être plus de mal à le voir. Je pense à un livre qu'avait publié Ezra Suleiman, le grand politiste américain, il y a une douzaine d'années, et qu'il avait appelé justement schizophrénie française au pluriel. Les Français ont ce besoin de verticalité, d'autorité, d'ordre, hérité en grande partie de notre monarchie décapité en 1793 et qu'on retrouve d'une certaine façon sous la Ve République du général de Gaulle. Mais en même temps, ils ont soif d'égalité, ils n'aiment pas les têtes qui dépassent. Et voilà, et les élites doivent être à la fois exemplaires, proche du peuple, omnisciente, tout ça, et vous en conviendrez, bien compliqué. Ça nous renvoie peut-être également aussi au problème de la formation des élites. Il y a peut-être une carence à ce niveau-là. Alors, le problème de la formation des élites nous conduit même à réfléchir sur la pensée que les élites ont elles-mêmes de la formation alors de ceux qui doivent leur succéder éventuellement. C'est la question notamment de l'École nationale d'administration. Alors, une ébauche en 1848 qui n'a pas duré bien longtemps, mais il y a surtout l'École nationale d'administration mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter le général de Gaulle. Pensons au général de Gaulle en cette année 2020 et sa disparition il y a 50 ans. Le général de Gaulle qui s'exprimait en 1963 devant l'Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration. Après avoir eu à décréter, il y a déjà pas mal d'années, la mise au monde de l'École nationale d'administration, je me félicite de tout mon cœur de l'avoir prospérée. Je le dis avec grand plaisir en présence de celui qui me l'a alors conseillé, le président Michel Debré, et il m'est fort agréable d'être accompagné dans cette cérémonie par un ministre d'État qui était à cette époque secrétaire général du gouvernement et par deux anciens élèves qui sont aujourd'hui ministres. Si le service de l'État est foncièrement honorable, c'est d'abord parce qu'il associe ceux qui participent aux responsabilités les plus élevées qui soient, les responsabilités de la puissance publique. Et c'est aussi parce qu'à travers l'État, on sert d'une manière directe et à tout prendre désintéressé la collectivité humaine et nationale. Combien est-ce vrai, surtout quand l'État, c'est la République, et quand la collectivité, c'est la France. Le général de Gaulle en 1963 devant l'association des anciens élèves de l'ENA. Éric Anceau, il y a dans ce discours, et c'est toujours émouvant d'entendre le général de Gaulle parce que les phrases sont belles, le discours est bien construit, et puis il y a une vision globale. Mais à côté de ça, nous connaissons la contestation très forte qu'il y a de cette École nationale d'administration. Donc il y a toujours ce tiraillement, cette nécessité d'équilibre qui parfois est rompue. Exactement. Si on propose très rapidement une vue panoramique de la formation de nos élites, on se rend compte, pour revenir au 19e siècle, à l'époque des notables, que celles-ci sont formées principalement à l'école de droit de Paris, qui propose en fait une exégèse du code civil sans aspect pratique. On n'enseigne pas le droit administratif, on n'enseigne pas l'économie politique, et à Polytechnique, qui est, comme l'est aujourd'hui l'ENA, totalement dévoyée. C'est-à-dire que c'est à l'époque, quand elle a été créée sous la Révolution, et portée au pinacle par Napoléon Bonaparte, eh bien une école qui est chargée de former en fait les ingénieurs. Mais on va les retrouver dans les cadres de l'État. Mon collègue Bruno Bellost avait montré que 3000 polytechniciens dans le premier 19e siècle deviennent ministres, députés, conseillers d'État, etc. etc. Alors, 1870, grande réforme, on crée l'École libre des sciences politiques pour essayer de créer un nouveau personnel politique ayant l'esprit plus pratique et ayant le sens de l'État. Et c'est le sens de la recréation de l'ENA par le général de Gaulle et Michel Debré en 1945. Je dis recréation, vous l'aviez, Xavier, tout à l'heure rappelé. Il y a une première ENA sous la Deuxième République en 1848, mais qui fera long feu en 1849. Quelle est l'idée de ces deux ENA? La méritocratie. Ce doit être les meilleurs qui, par des concours, doivent devenir les hauts fonctionnaires de l'État. Ils doivent être bien formés, avoir l'esprit à la fois pratique, mais bien construit, bien structuré avec une colonne vertébrale. Et ils doivent avoir le sens de l'honneur et de l'État. Enfin, ils doivent être cantonnés dans la haute fonction publique. C'est ce que voudra le général de Gaulle en arrivant au pouvoir en 1958. Alors, on pourra reprocher une forme de technocratie, un pouvoir politique qui s'appuie en fait sur les énarques, sur les technocrates, mais une forme de cloisonnement. Très peu de ces énarques deviennent députés et ministres sous la République gaullienne. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et tout le monde le sait depuis une quarantaine d'années, c'est que les énarques ont tout investi. Ils ont investi les milieux économiques, on les retrouve à la tête des entreprises du CAC 40. Ils ont investi les milieux politiques. Édouard Philippe, Jean Castex, Emmanuel Macron sont tous énarques. Donc, si vous voulez, il y a un brouillage et on se pose la question de savoir si on n'est pas passé des élites à une. Voilà, des élites à une élite qui est la véritable question. C'est quelque chose qui nous interpelle sur le contemporain. Éric Anceau, je rappelle que vous enseignez à la Sorbonne, vous enseignez également à Sciences Po. En enseignant pendant des années, vous pouvez accumuler des réflexions suffisantes pour écrire les élites françaises des Lumières au grand confinement. J'imagine que... Je fais de la fiction, hein. Vous avez écrit depuis des mois, des années, sans doute, en écrivant des Lumières haut. J'imagine que vous avez à un moment écrit au Gilet jaune. Et l'actualité vous a rattrapé et vous êtes dit, je vais aller plus loin, je vais aller au grand confinement. En quoi ce grand confinement est intéressant aujourd'hui dans notre rapport particulier aux élites, ou, pour le dire autrement, à l'élite, vu que plusieurs élites ont fusionné? Oui, je vois, Xavier, que vous m'avez très très bien lu. Alors effectivement, mon livre devait paraître en mars dernier, au moment où nous avons été confinés par le gouvernement. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intelligent, pertinent en fait, de différer de 6 mois la publication de mon livre pour essayer d'analyser en fait la manière dont le gouvernement allait réagir à la crise pandémique qui nous frappait. Et je n'ai pas été déçu en ce sens, on ne peut pas jeter la pierre au gouvernement, on le voit aujourd'hui, il y a bien évidemment d'autres démocraties, d'autres pays qui ont encore plus mal géré que la France et que son gouvernement la pandémie. Simplement, les récurrences se trouvent vérifiées. Impréparation de nos hôpitaux, mesures erratiques prises par le gouvernement, et puis également, faillite d'une partie de nos élites. Alors, je n'ai pas pu le mettre, bien évidemment, dans le livre, parce que je risquais des procès, mais j'ai eu des confidences au sommet de l'État, de hauts fonctionnaires qui ont été totalement défaillants pendant cette crise, comme ils avaient pu l'être en 1870 et en 1940, pris de panique, qui se sont fait porter pâle pour ne pas avoir à agir. Donc vous voyez, là encore une fois, des récurrences. Des récurrences sur le modèle français, Eric Anceau, et puis vous l'avez évoqué, il y a souvent la comparaison avec les autres pays, c'est nécessaire de comparer avec les autres pays, il faut dire que bon, la France en sort pas plus mal ou un peu plus mal, il y a des débats que d'autres pays. Y a-t-il une spécificité française de notre rapport aux élites ? Oui, sur le temps long, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Regardez, vous disiez à l'instant que la France ne s'en sort pas plus mal que d'autres pays, et vous avez parfaitement raison. Et pourtant, en avril dernier, je le mets d'ailleurs dans l'épilogue de mon livre, on a questionné les peuples européens, mondiaux, pour savoir comment ils considéraient qu'était gérée la crise dans leurs différents pays. Et la France figurait en queue de classement. Donc vous voyez, il y a cette défiance qui est très très nette en France. Alors cela dit, on voit la montée des mouvements populistes, pas besoin ici que j'épilogue au lendemain des élections américaines, mais en Amérique, au Brésil, en Allemagne d'une certaine façon, en Grande-Bretagne, en Italie récemment, il y a une colère des peuples, et pas seulement du peuple français, sur la manière dont leurs élites gèrent la mondialisation, les crises multiformes qui nous frappent aujourd'hui. Oui, et puis Eric Anceau, vous terminez votre ouvrage en insistant bien que les élites ont une responsabilité, des devoirs à assumer en contrepartie de ces privilèges, à commencer par la domination sociale, œuvrer pour le bien commun, faire preuve de compétence, d'exemplarité, d'intégrité, savoir entendre les doléances du peuple. Il y a ça aussi à rappeler. Pour comprendre cet équilibre social, il y a des privilèges peut-être d'un côté, mais des devoirs. Exactement, c'est tout à fait fondamental pour le consentement, en particulier en démocratie, à être gouverné par des élites. Alors cependant, ne tombons pas dans la caricature, le peuple a aussi, bien évidemment, c'est un jeu, c'est un dialogue, une part de responsabilité. Je serais tenté de dire qu'on a aussi d'une certaine façon les élites que l'on mérite. Qu'on a les élites que l'on mérite, c'est une jolie conclusion, Eric Anceau. Merci beaucoup à vous, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les élites françaises, des lumières au grand confinement, c'est publié aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup, Eric Anceau. Merci. Lui va nous aider aussi à comprendre. Une question simple, une réponse éclairante, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Peut-on réprimer la violence sur un terrain de rugby ? Régulièrement, les médias se font l'écho des incidents qui ont lieu sur les terrains de football ou de rugby. Loin d'être nouvelles, les polémiques concernant la responsabilité des joueurs, des spectateurs, des fédérations et des pouvoirs publics ont, elles aussi, une histoire. Elles ont commencé à passionner le grand public dans l'entre-deux-guerres, comme l'a montré l'étude de Christophe Granger consacrée à l'affaire Taillantou. Le 4 mai 1930 se tient à Bordeaux la demi-finale du championnat de France de rugby qui oppose l'équipe d'Agen à celle de Pau. Après 7 minutes de jeu, Michel Pradier, l'un des joueurs agenais, est violemment plaqué au cou par un adversaire qui lui fracture la colonne vertébrale à la base du crâne. Pradier est évacué du terrain et dans la nuit, il succombe à sa blessure. En janvier 1931, quelques mois après les faits, Fernand Taillantou, l'auteur du plaquage, est reconnu coupable d'homicide par imprudence et dans un premier temps condamné à 3 mois de prison avec sursis. Cette affaire va provoquer une immense polémique, impliquant tous les acteurs d'un sport en pleine mutation. Introduit à Paris et dans les grandes villes du Sud durant les années 1880, par des hommes issus de la bourgeoisie d'affaires et des professions libérales, le rugby commença à bénéficier du soutien des municipalités progressistes après la Première Guerre mondiale, devenant du même coup un important vecteur d'identité locale. La naissance de la Fédération française de rugby, fondée en 1919, contribua fortement à la multiplication du nombre des clubs et au développement d'un professionnalisme déguisé pour attirer les meilleurs joueurs. D'où une concurrence de plus en plus vive entre les joueurs qui explique le durcissement dans les manières de pratiquer le rugby. De plus en plus souvent, les matchs dégénèrent en bagarres qui contredisent les nobles principes de l'amateurisme. Les dirigeants des principaux clubs du pays, qui sont pour l'essentiel des notables locaux du Sud-Ouest, prennent alors leur distance avec la fédération. Le drame de Bordeaux est à leurs yeux la confirmation des dérives de leur sport, alors que les dirigeants de la fédération, qui sont soutenus par les agents de l'État chargés de la promotion du sport en France, l'attribuent à la fatalité. Les magistrats et les juristes durent alors trancher une série de points décisifs dans l'histoire des sports collectifs. La question centrale était de savoir si l'on pouvait reconnaître l'existence d'un droit à la violence sportive au sein des sports considérés comme violents, tels que le rugby. Finalement, la Cour d'appel de Bordeaux estima que lorsqu'il s'agit d'actes exécutés en conformité avec les règles sportives en question, le monde sportif est souverain et la justice n'a pas à s'en mêler. Mais quand tel ou tel acte contrevient à la règle sportive, alors ce n'est plus de sport qu'il s'agit. Les fautes commises engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent être sanctionnées par le droit. L'affaire Taillantou fut ainsi un maillon important dans la constitution du droit du sport en France. En posant la question de la responsabilité pénale d'un joueur pour un geste commis dans le cadre d'un match, elle ouvrit une vaste réflexion sur la définition de ce qu'est un sport et sur la nature particulière des actions qui s'effectuent en son nom. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrins, Anne-Toscane Judès, Marion Dupont, Odile Jouessel. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Les élites en temps de crise, des tyrans face à la démocratie athénienne, à l'empire carolingien qui se délite, des émissions à écouter et réécouter en podcast, la balade aux diffusions sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, il y a du sang dans l'encrier 1944-1945 avec Gisèle Sapiro pour son ouvrage « Des mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise » au sortir de la Seconde Guerre mondiale.